Nous sommes mardi 28 mai 2019. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée, dont voici d'abord les principales articulations. Les trois responsables du parti CNL détenus au cachot de police de Karoussi n'ont pas été entendus hier par l'officier de police judiciaire de cette province. Ce dernier arguant que l'accusation portée contre eux n'est pas mentionnée dans le code pénal. C'est après qu'ils aient été arrêtés samedi dernier, accusés d'avoir tenu une réunion non autorisée. L'annonce du maire de la ville de Bujumbura de changer des carnets de ménage n'est pas accueillie de la même façon par certains citadins. Les uns sont pour, tandis que d'autres sont défavorables, disant qu'il s'agit de l'alourdissement des dépenses contre eux, vu la cherté de la vie ces derniers jours. Et suite à la lutte contre la fraude des minerais exploités en commune Kabarore dans la province de Kayanza, la production a sensiblement augmenté et contribue au développement du pays, selon le gouverneur de cette province. Vous aurez les détails dans le reportage du jour. Et la chronique santé de ce mardi nous parlera de la maladie dite varicelle, deuxième partie. Le duo Epitas et Dorine assure la mise en onde. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Trois responsables du parti CNL dans la province Karoussi sont au cachot du commissariat de police de cette province depuis 4 jours. Ils sont accusés de tenir une réunion illégale samedi du week-end dernier. Le jour de leur arrestation, ils ont rejeté cette accusation, expliquant avoir écrit une lettre d'information au gouverneur de cette province pour information d'une réunion des représentants et copiant les responsables chargés de la sécurité présents hier à la police judiciaire. Ils n'ont pas été entendus et la police judiciaire expliquait que l'accusation portée à leur rencontre n'est pas mentionnée dans le code pénal. Les détails avec Blaise Pascal Kararoumi. Les trois responsables du parti CNL, Congrès national pour la liberté, au rang de la province Karoussi, sont l'ingénieur Nata Baramama, qui est le président provincial de ce parti, le secrétaire provincial Ire Rebanya Sekera et Baudouin Zitonda, le responsable provincial des jeunes de ce parti. Ils ont été arrêtés par la police ce samedi dans une salle de réunion d'un hôtel appelé Giraffe, érigé derrière le bureau de cette province. La police indique qu'ils sont accusés de tenir une réunion illégale et expliquant que ces responsables n'avaient pas informé les responsables de l'administration. Ces derniers affirment avoir officiellement informé tous les responsables administratifs et de sécurité par une lettre du 22 mai, disaient-ils, qu'ils avaient adressée au gouverneur de cette province et les sources policières indiquent en avoir reçu. Ce lundi, ces accusés ont été présentés à un officier de police judiciaire, mais ils n'ont pas été entendus et la police judiciaire a expliqué que l'accusation portée à leur encontre n'est pas mentionnée dans le code pénal et expliqua que la police cherche encore la loi relative. Du moment qu'ils disent qu'ils sont au nombre de 8 qui sont au cachot et tous représentants des autres dans ce parti, les responsables de ce parti, CNL, parlent d'une intolérance politique qui se manifeste dans la province et demandent la libération de tous ces gens. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci à Blaise Pascal Kararoumié. La loi portant réglementation des réunions sur la voie publique et les manifestations publiques du 5 décembre 2013 ne concernait pas les réunions et manifestations privées. De plus, ce texte prévoit en son article 2 qui ne s'appliquait pas sur les réunions statutaires des partis politiques et les associations sans but lucratif. Toutefois, une autorité compétente est informée d'une réunion, mais la même autorité dispose d'un délai pour répondre en défaveur. Eline Bel-Nibigira nous lit le contenu de cette loi. Outre les réunions et manifestations privées, elle ne s'applique pas non plus aux réunions et manifestations se déroulant à l'occasion des campagnes électorales qui font l'objet d'autorisations spéciales délivrées par les autorités administratives et compétentes. À l'article 4 de la présente loi, toute réunion publique est soumise à la déclaration préalable. Cette déclaration doit faire connaître l'identité complète des membres du bureau d'organisation, le jour et l'heure de la manifestation, son objet, sa participation prévisible ainsi que l'itinéraire prévu pour le cortège ou le défilé lorsqu'il s'agit de manifestations. La déclaration préalable doit être écrite et adressée à l'autorité administrative et compétente qui la reçoit contre récépissé. Celle-ci peut décider de différer ou interdire à la réunion si le maintien de l'ordre public l'exige absolument. Cependant, cette décision doit être dûment motivée. À l'article 5, la déclaration préalable écrite doit parvenir à l'autorité compétente au moins 4 jours ouvrables avant la tenue de la réunion. L'autorité compétente dispose d'un délai de 48 heures ouvrables pour formuler et adresser en retour éventuellement ses observations et recommandations écrites au déclarant avec accusé de réception. Celle-ci peut décider de différer ou interner la réunion si le maintien de l'ordre public qu'il exige absolument. Si le demandeur de tenue de la réunion de manifestation se sent lésé, il peut faire recours à l'hiérarchie et devant la cour administrative qui statue selon la procédure d'urgence. À l'article 6, en ayant les 48 heures ouvrables précédant le début de la réunion, l'autorité administrative n'a pas expressément notifié son refus. La réunion est réputée non interdite. L'article 9 stipule que toute réunion ou manifestation publique qui ne se conforme pas à la présente loi est illicite et est passible de sanctions. Merci à Nibel Nibigira. Certains habitants, je vous le disais en titre, certains habitants de la mairie de Bujumbura déplorent l'annonce de changer des cahiers de ménage, même s'il y a d'autres qui disent l'apprécier positivement. Certains expliquent qu'il faut tout simplement respecter les mesures prises par les autorités et d'autres expliquant qu'il s'agit de l'alourdissement de dépenses contre la population vu la cherté de la vie. Disait-il, c'est suite à la mesure annoncée par le maire de la ville de Bujumbura d'acheter de nouveau les cahiers de ménage parce que d'autres ont été falsifiés. Suivez-les au micro baladeur de la radio Isanganiro. Je n'ai pas bien accueilli cette mesure. Ces cahiers de ménage sont reconnus par les autorités administratives parce que c'est elles qui les distribuaient. Alors, du coup, nous informer que ces cahiers ont été piratés et qu'ils vont procéder au changement, je pense plutôt qu'il faudrait les remplacer sans toutefois exiger encore de l'argent. C'est fatigant de toujours dépenser sur une seule chose pour des raisons diverses, alors que vous savez que nous sommes dans la misère. Pour moi, j'ai déjà reçu cette information, mais il n'y a pas un autre moyen. Je peux acheter une autre à d'autres problèmes parce que c'est la décision des autorités. On doit respecter comme ça. Je dois respecter les mesures des autorités, même si on me dit maintenant d'acheter ces carnets, je le fais malgré la cherté de la vie. Je ne peux pas payer des amendes ou être emprisonné à cause de 2000 francs ou 3000 francs de cahier de ménage. Premièrement, il n'y a aucune importance parce qu'il y a la pauvreté. Il y a des ménages qui n'ont pas même d'argent. Père ou mère n'ont pas du travail. Alors, on reste avec le même carnet de ménage. Même ce cahier pourrait être piraté de même. Acheter de nouveaux cahiers, je crois que c'est vraiment une gaspillage, je crois, et une surcharge. Il fallait vérifier avant que ce cahier ne pourrait pas être piraté. Parce que si tu reviens dire à quelqu'un que ce que tu les as donné avant, que ça a été piraté, ça demande encore de l'argent et du temps. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page éducation à présent, l'école GSM, groupe scolaire multidisciplinaire de Nyanzalakan, province Makamba, est mise en garde par le président du conseil provincial de l'éducation qui est en même temps le gouverneur de cette province. Cette école n'aura pas le droit d'enrôler l'année scolaire prochaine. Certaines des causes de cette interdiction est que cette école accueille des élèves qui ont échoué ailleurs en leur faisant inscrire dans la classe suivante. Gad Nikouri l'a indiqué ce lundi lorsque ce conseil provincial et celui de la commune Nyanzalak effectuaient une visite à cette école de Nyanzalak. Les détails avec Jérôme Hakizimana, notre correspondant. Arrivé à l'école lycée JCM, le conseil provincial de l'éducation est celui de la commune Nyanzalak où est basée cette école privée. Le constat a été qu'à cette école JCM, on accueille les élèves dans la classe où ils n'ont pas encore arrivé. L'exemple est celui des élèves y rencontrés qui n'avaient pas terminé les examens du premier trimestre en deuxième informatique de maintenance au lycée technique Nyanzalak qui ont été accueillis à cette école JCM dans le deuxième trimestre en troisième année de l'informatique. Informatique de maintenance pendant cette année scolaire en cours. Il y a une autre catégorie qu'on y a rencontrée, des élèves qui ont été exclus d'office à leurs écoles d'origine, mais qui étudiaient dans une classe suivante à cette école JCM, comme s'ils avaient réussi. Poser la question de quel document présenter lors de la quête d'une place à cette école par ces cadres de l'éducation, certains de ces élèves ont répondu qu'ils n'ont rien présenté et que c'est le directeur technique qui les a accueillis. Ont-ils ajouté. Cette école privée qui contient l'école fondamentale depuis la première année et la post-fondamentale compte un peu plus de 360 élèves et chacun paie 36 000 francs par trimestre. Le président du conseil provincial de l'éducation, en même temps le gouverneur de Makamba, a mis en garde cette école que l'année scolaire prochaine n'aura pas le droit d'enrôler. 9 élèves ont été vus qu'ils ont été donnés de place dans cette voie illégale à cette école après ces autres qui ont été renvoyés en février de cette année en cours. Depuis Nyanzalak, Jérôme Akizimana, Radio Isanganiro. De Makamba, rendons-nous en province Chibitoke où des femmes vendeuses de poissons sur le lac Dogodogo se trouvent en commune Rugombo de cette province de Chibitoke affirment être stigmatisées par des hommes pour ce travail. Pourtant, elles disent que ce métier les aide à subvenir aux besoins de leur famille, notamment la scolarisation de leurs enfants. Les détails avec Vestine Boutoyi qui s'est rendue sur les lieux. Une de ces vendeuses de poissons rencontrées au bord du lac Dogodogo indique qu'une des motivations de faire son métier est de subvenir à certains des besoins de sa famille, par exemple scolariser leurs enfants. J'y ai pensé parce que je voudrais améliorer la condition de vie de mon foyer. Pour moi, la scolarité de mes enfants est une priorité afin qu'ils ne soient pas des mendiants. Elle affirme que c'est son mari qui lui a accordé un capital pour pouvoir commencer son métier. Moi et mon mari, nous nous sommes mis d'accord pour que je puisse commencer à faire ce métier. Lui aussi avait besoin de mon assistance, étant donné que pour le progrès du foyer, il faut qu'il y ait une attente mutuelle. De plus, c'est mon mari qui m'a donné le capital. Et quand elle se rend à son travail, elle précise que son époux s'occupe des activités champêtres. Avant de me rendre à mon boulot, je fais certaines tâches ménagères et mon époux s'occupe des activités champêtres après mon départ. Cependant, une autre femme déplore que même s'il y a des hommes qui laissent leurs épouses entreprendre des activités génératrices des revenus, il y en a d'autres qui n'acceptent pas que les leurs le fassent, arguant qu'elles pourraient se lancer dans des comportements indignes. Il y a des hommes qui ne peuvent pas accorder le capital à leurs femmes car ils pensent qu'elles pourraient se retrouver dans des comportements indignes. Moi aussi, j'ai été victime de ces préjugés. Autrefois, mon mari m'avait donné de l'argent pour que je puisse exercer un petit commerce, mais un jour, il m'a retiré son argent sans aucune explication. Un des hommes qui était au bord du lac Dogodogo confirme que ces femmes vendeuses de poissons ne sont là que pour gagner leur vie. Il est convaincu que celles-ci jouent un rôle important dans le développement familial et croit que des hommes qui jugeraient ces femmes comme des malapprises auraient des idées archaïques. Ces hommes ont des idées qui n'ont plus de valeur, car nous qui sommes ici, nous voyons que ces femmes sont en train de travailler pour appuyer appuyer financièrement leur mari. Le conseiller principal du gouverneur de la province de Cibitoke, Anissé Saïdi, interpelle tous les hommes qui ne favoriseraient pas leurs femmes à exercer leur métier, à changer leur mentalité, car d'après lui, il faut que tous les conjoints travaillent en synergie pour faire avancer leur foyer. Parlons transport à présent. Les conducteurs des taxis motos sont appelés à plus de propriété corporelle et celle des casques lors de l'exercice de leur métier. Cet appel est du président de la Motabou qui souligne que des avancées significatives ont été enregistrées ces derniers temps en matière de port de casque grâce à une réunion tenue conjointement avec la police de roulage et de sécurité routière à l'égard des motards. Jado Nzitunga s'exprime après que certains usagers des taxis-motos aient exprimé leur désarroi face à la propriété de certains motards à mairie de Bujumbura. On a un changement de matériel qui porte des casques, mais il y a des fois où on trouve que ce casque c'est très sale. Je lance un appel vibrant à ce matériel d'acheter de nouveaux casques et ceux qui sont en utilisation qu'ils peuvent aussi faire de la propriété. Parce que vous avez des fois où on donne un casque à un client et si ce casque est sale, il ne le porte pas. C'est pourquoi je lance un appel vibrant que même la propriété de ce corps, parce qu'il y a des fois il porte des habits qui sont très sales, alors que ils portent déjà qui sont très propres, c'est un problème. On a vérifié, on a trouvé qu'il y a des gens qui ne sont pas dans notre association, ils les attrapaient déjà comme ça. On a signalé ça à la police parce que c'est nos sécurités routières de l'association, ils portent souvent des badges. Je demande à ces motards qui ont des problèmes qu'ils peuvent nous signaler et puis nous allons renseigner et on va vérifier si c'est notre membre de l'association ou c'est les autres. Propos recueillis par Charles Makoto. Environnement à présent, la jacinthe d'eau visible en bordure du lac Tanganyika, côté plage de pêcheurs de plage de pêche plutôt de Rumongue, asphyxie la faune aquatique. Melchior Munama, chargé de la protection des aires protégées à l'OBPE, antenne provinciale de Rumongue, informe qu'il est cependant possible de combattre cette plante présentée à Rumongue il y a une dizaine d'années. Les détails avec Jean-Pierre Misako. Cette plante aquatique invasive est présente en bordure du lac Tanganyika côté plage de pêche de Rumongue depuis 2010, mais elle serait venue du lac Victoria et aurait atteint Rumongue via Bujumbura, transportée par les pêcheurs selon Melchior Munama, responsable des aires protégées et employé de l'office burundais pour la protection de l'environnement en province de Rumongue. À côté de sa plus forte absorption de l'eau, la jacinthe d'eau empêche la croissance de la faune aquatique, selon Melchior Munama. Quand cette plante s'installe au niveau de l'eau, elle colonise cette partie, donc il n'y a pas de vie. Et elle a une croissance très rapide et elle couvre une surface vaste sur l'eau et la production de poissons diminue. Cet environnementaliste dit que des efforts ont été fournis pour détruire complètement cette plante, mais sans y parvenir. Nous avons trouvé que l'arrachage de cette plante n'est pas une meilleure façon de détruire convenablement cette plante. Parce que vous arrachez et vous laissez une partie au même endroit et cette partie continue à se développer. À cette lutte, Melchior Munama propose d'ajouter la consommation de cette plante par les porcs pour gagner ce combat. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé, les antibiotiques sont certains des médicaments qui peuvent être présents chez un patient souffrant de la varicelle. Telle est l'explication du dermatologue Dr Elim Pera. Nous vous avons parlé dans la chronique précédente que les boutons remplis d'eau liquide sont des symptômes caractéristiques de cette maladie. Docteur Edi Mopera a fait savoir que des complications graves, en particulier pulmonaires et neurologiques, sont parmi les conséquences de la varicelle. Une fois qu'elle n'est pas traitée comme il faut, les détails dans cette chronique avec Ornella Mucho. La varicelle, une maladie causée par le virus varicelle zona, peut être diagnostiquée une fois jugée nécessaire. Le dermatologue Elie Mupera explique que différents examens, comme le test de la numération de la formule sanguine, permettent de déterminer le statut immunitaire d'une personne contre le virus varicelle zona. Si on veut faire les analyses médicales, il y a des stigmates, il y a des signes qui montrent effectivement la présence de ces agents. Et même ces analyses permettent en plus de prouver à quel niveau l'organisme il est atteint. Par exemple, ça peut mettre en évidence une diminution du taux de globules rouges et le niveau de diminution va vous renseigner sur le degré et la gravité de l'atteinte. Et ça peut vous montrer une anémie. La profondeur de l'anémie va permettre également d'évaluer la répercussion de la maladie sur le malade. Comme la varicelle est liée à un virus, les traitements restent principalement symptomatiques selon toujours ce spécialiste. Au niveau des structures de soins, il y a plusieurs médicaments, notamment des comprimés et des crèmes en traitement local et général. Ceux qui sont du domaine médical, ils connaissent. Il existe d'autres molécules capables de traiter la varicelle. En cas de négligence de la maladie, différentes complications peuvent s'observer chez les enfants que chez les adultes. En cas de retard de consultation, quand elle touche la femme enceinte, la maman peut contaminer son fœtus et donner ce qu'on appelle une varicelle congénitale. Et dans la varicelle congénitale, il va y avoir beaucoup de conséquences, notamment un enfant qui a un faible poids de naissance, ce qu'on appelle les hypertrophes, et des enfants qui ont des malformations multiples et donc des fois incompatibles avec la vie, des enfants qui vont mourir à la naissance ou au cours de la grossesse. On a vu chez l'adulte, l'évolution peut être émaillée de complications et comme une atteinte viscérale, notamment les poumons sont particulièrement vulnérables et quand il y a une pneumopathie varicelleuse, ça va se traduire par un tableau de détresse respiratoire dans un contexte de fièvre, d'altération de l'état général. Ça peut toucher les nerfs, donnant ce qu'on appelle les neuropathies varicelleuses qui peuvent conduire à des paralysies. Une fois que l'enfant est atteint de la varicelle, ce spécialiste fait appel aux parents d'éviter que les enfants se grattent pour limiter le risque d'infection bactérienne. Il faut le respect des mesures d'hygiène aussi bien vestimentaire, corporelle et alimentaire. Ce doit être une préoccupation quotidienne de tous les parents. Dès que vous constatez que l'enfant il a des signes que vous n'arrivez pas à comprendre, il faut consulter au plus les structures de soins parce que ce sont des maladies qui initialement étaient facilement guérissables, qui peuvent générer des conséquences très fâcheuses une fois qu'on n'a pas pris la chose à sa hauteur. La varicelle chez les adultes est souvent causée par les maladies chroniques maltraitées. Le dermatologue Elie Mupera conseille alors à ces gens de soigner correctement ces maladies chroniques telles que prescrites par le médecin. Merci à René Lamoucho pour cette chronique santé. Je vous dis en bouclant la boucle de ce journal que l'extraction des minéraux tels le coltan et le cassiterite en commune Kabarole de la province Kayanza contribue au développement de la population de la province et du pays en passant par la commune. Une précision du gouverneur de cette province, Anissé Ndayizeye, a affirmé que la production est passée de 500 kg en 2016 à près de 280 tonnes en 2018 suite à la lutte contre la fraude de ces minéraux. Le budget annuel de la commune Kabarole a triplé à partir de 2015. Les orpailleurs apprécient cette activité minière dans leur commune. Nous allons revenir à ce reportage dans notre édition de la soirée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous. Évariste Ndikomanyanga. Iwacu ni Burundi iwacu. nouveau, du nouveau, du nouveau Burundi. L'Organisation internationale Malhab.